sait jamais. Oh Lolo, Joséphine, tu peux encore aimer. Moi, jamais. Quoi? Kwaku. Hein? Avion. Avec vous les hommes, c'est tout un sac à problème. Tu as déjà vu quoi? Et vous les femmes? Si oh. C'est une fille qui n'avait jamais de problème. Elle est venue soucieuse parce qu'elle est déçue. Mon ami qui n'avait jamais de problème. Elle est venue sous la robe aujourd'hui pour la femme. Aïe, Seguiné. Aïe, Seguiné. Aïe, Seguiné. Aïe, Seguiné. Aïe, Seguiné. Aïe, Seguiné. Qui n'a pas compris. N'a pas compris. Tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais. Parce que les femmes, oulala, les hommes, terribles. Aïe, Seguiné. Tu n'avais pas compris. Aïe, Seguiné. Calculé, calculé, calculé, calculé, maca, moi t'es malo. Calculer, calculer, nous m'en si calculer, calculer, calculer.